I'll show you some objects, then please do what I ask. Mopu montre ou ban objet et ou bizan faire ce qui mope dire. Mopu montre ou ban objet et ou bizan faire ce qui mope dire. Please take this. Prends-li. Prends-li. Please give me the glasses. Donne-moi lunettes là. Donne-moi lunettes là. Please put the pencil on the envelope. Mette crayon là, l'eau l'enveloppe là. Mette crayon là, l'eau l'enveloppe là. Please turn the glass over and pick up the scissors. Tourne vers là, après attrape ciseaux là. Tourne vers là, après attrape ciseaux là.